Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 5e, Habitation à l'île de Sainte-Croix, 1604-1605. Hivernage sur cette île. Sa topographie et son climat durant l'hiver. Description de l'établissement. Champlain est chargé de l'exploration des côtes de la Norembert, l'île des monts déserts, la rivière Pentagouette ou Penobscot, rencontre de chefs sauvages, les monts Bédabédec. Champlain retourne à l'île de Sainte-Croix. Hiver de 1605, rigoureux. Le scorbut décime les Français. Demont décide d'abandonner son île. Champlain fait une seconde exploration sur la côte américaine. Se rend jusqu'au pays des Armouchiquois. Son voyage dure 5 semaines. L'île de Sainte-Croix n'a qu'une demi-lieue de circonférence. Son sol est peu fertile, n'étant composé en grande partie que de sable. Le soleil de juillet réchauffa vite cette terre légère et les jardinages sur lesquels les nouveaux colons devaient surtout compter ne firent que languir par le manque d'eau et sous les rayons brûlants de l'astre du jour. Le bois ne fit pas défaut au début, mais les constructions nouvelles le rendirent tellement rare que l'on faillit geler durant l'hiver. Pour surcroît d'infortune, le froid commença à se faire sentir de bonne heure à l'automne. Il devint bientôt très intense. Toutes les boissons se prirent en glace dans les tonneaux, à l'exception toutefois d'un certain vin d'Espagne dont on avait ample provision. L'eau douce vint aussi à manquer et les glaces empêchèrent toute communication avec la terre ferme. On eut d'abord recours au cidre, mais celui-ci s'épuisa vite, de sorte que pour empêcher de mourir de soif, on buvait de l'eau de neige. Il n'y avait ni fontaine ni ruisseau sur cette île inhospitalière. La situation n'était pas gaie et, disons-le, M. Demont était le seul coupable de ce malheureux état de choses. Pourquoi avait-il dédaigné Port-Royal, où il aurait pu se procurer à l'aise une eau potable? Champlain l'excuse. Il est malaisé, dit-il, de reconnaître ce pays sans y avoir hiverné, car, en y arrivant en été, tout y est fort agréable à cause des bois, beaux pays et bonnes pêcheries de poissons. Il y a 6 mois d'hiver en ce pays. Après tout, le climat de Sainte-Croix ne valait pas mieux que celui de Tadoussac, qui avait tant effrayé M. Demont. Aussi, dut-il être fort désappointé de ce contretemps, d'autant plus fâcheux qu'il n'avait eu d'autre but en allant se fixer sous une latitude plus méridionale que de l'éviter. Champlain a laissé une carte de l'île de Sainte-Croix avec un plan détaillé des logements qui y furent élevés. On remarque plusieurs corps de logis isolés, formant dans l'ensemble un vaste quadrilatère. De côté, c'était la résidence de Champlain, de Chandoré et d'Orville, avec un grand jardin contigu. Près de celle-ci, on avait érigé une petite maison pour l'usage des missionnaires. Tout auprès, une forge. De l'autre côté, prenait place le magasin, le logement destiné aux Suisses, la résidence de M. Demont, une salle publique où l'on passait le temps, les jours de pluie, une construction pour le scieur Boulay et les artisans. Dans un angle du quadrilatère, on remarque le logis de Geneston, de Sourin et des artisans, et un autre à l'usage des scieurs de Beaumont, Lamotte, Bourioli et Fougeret. Plusieurs jardins étaient circonscrits dans cette vaste enceinte. On ne voit qu'un arbre au milieu de cet amas de construction et de palissades. Un fortin se dressait sur une des extrémités de l'île. On s'y rendait par un chemin de pied. L'abbé Aubry avait sa chapelle à quelque distance des autres édifices, près du canon du fort. Tel était le plan de l'habitation de Sainte-Croix. C'était faire beaucoup de dépenses pour aboutir à un résultat bien déplorable, comme la suite des événements le démontrera. Pendant que les ouvriers étaient occupés aux travaux de construction, M. Demont avait dépêché le capitaine Foulque qui avait pris le commandement du vaisseau de Rossignol, pour aller chercher à Canso le reste des provisions que Pontgravé y avait déposées avant de prendre la route du Saint-Laurent quelques semaines auparavant. Chemin faisant, il s'était emparé de plusieurs vaisseaux basques qui trafiquaient au mépris des défenses du roi, et il avait expédié les maîtres de ces contrebandiers pour rendre compte de leur conduite à M. de Mont. Pontgravé avait chargé son pilote, un nommé Guillaume Duglas, de Honfleur, de le transporter en barque auprès du lieutenant-général. Celui-ci les reçut avec la plus grande humanité et les renvoya à Pontgravé, lui demandant de ramener leur vaisseau à La Rochelle. La justice serait appelée à régler l'affaire. M. de Mont était bien l'âme dirigeante de la colonie. Non seulement il s'efforçait de pourvoir à tous ses besoins, mais il n'oubliait pas non plus la mine de cuivre qui troublait ses rêves. Champlain reçut la charge d'aller à sa découverte. Il prit avec lui un sauvage du nom de Messamouette qui prétendait l'avoir vu et 9 matelots. À 8 lieues de Sainte-Croix, en tirant vers la rivière Saint-Jean, l'on trouva en effet une mine de cuivre pouvant contenir, au témoignage du mineur, 18% de métal pur. D'autres recherches n'ayant amené aucun résultat, Champlain rebroussa chemin et quand il arriva, les vaisseaux étaient sur le point de partir pour la France. M. de Mont avait tout arrangé. Poutrincourt, qui n'avait eu d'autre intention en traversant la mer que de faire l'examen des lieux en vue d'y établir sa famille, désirait s'en retourner. Mais auparavant, il s'était assuré de la possession de Port-Royal par un document signé de la main du lieutenant-général qui avait reçu du roi le pouvoir de distribuer des terres à qui bon lui semblerait. Rallo suivit Poutrincourt et le 31 août 1604, tous deux dirent adieu aux insulaires de Sainte-Croix. Champlain ne songeait nullement à revoir sa patrie. Il avait une mission à remplir et par conséquent, d'autres intérêts à servir que les siens propres. M. de Mont lui ayant confié la tâche d'aller explorer les côtes de la Norembègue, il affréta aussitôt une patache de 17 à 18 tonneaux et prit avec lui 2 guides sauvages et 12 matelots. La petite troupe quitta l'île de Sainte-Croix le 2 septembre. Mais une tempête qui avait empêché Poutrincourt de sortir de la rivière retint aussi la patache captive jusqu'au 5. Le premier jour, on découvrit 25 lieues de côte, traversant une mer couverte d'îles, pleine de rochers, forçant parfois la barque à tirer débordée de 4 lieues. Champlain les nomma îles Rangées. Le même jour, il passa tout près d'une autre île de 4 à 5 lieues de long, et la barque vint se briser sur une roche à fleur d'eau. Cette île n'est séparée de la terre ferme que par un tout petit bras de mer. Elle est couverte de montagnes, environ 7 ou 8, rangées les unes proches des autres. Champlain l'appela l'île des Monts Déserts. C'est encore le nom qu'elle porte aujourd'hui. Le lendemain, sixième jour du mois, l'on aperçut dans le fond d'une jolie anse située au pied des montagnes de cette île une petite fumée qui laissa croire à Champlain qu'elle devait être habitée. En effet, il vit bientôt 2 canots sauvages se diriger vers lui et puis faire halte à environ une portée de mousquet. Champlain envoya 2 des siens à leur rencontre, mais les sauvages se sauvèrent. Le lendemain, ils vinrent à bord de la barque de Champlain et causèrent avec les guides. Quelques petits présents les amadouèrent complètement. C'étaient des chasseurs de la nation des Etchemins, venus de la rivière Pentagouette à l'île des Monts Déserts pour y pêcher et faire la chasse aux castors. Ils firent l'offre à Champlain de l'amener avec eux, à l'endroit de leur résidence, où demeurait Bessabès, leur chef. « Je crois, dit Champlain, que la rivière Pentagouet est celle que plusieurs pilotes et historiens appellent Norembègue, et que la plupart ont écrit être grande et spacieuse. On décrit aussi qu'il y a une grande ville, fort peuplée de sauvages adroits et habiles, ayant du fil de coton. Je m'assure que la plupart de ceux qui en font mention ne l'ont vu et en parlent pour l'avoir vu dire à des gens qui n'en savaient pas plus qu'eux. Qu'aucun y ait jamais entré, il n'y a point d'apparence, car ils l'eussent écrite d'une autre façon afin d'ôter beaucoup de gens de cette ville. » Champlain parle ici avec connaissance de cause, car il prit la peine de parcourir la Pentagouette, devenue légendaire, par des descriptions fantastiques que Jehan Alphonse a agrémentées d'un luxe de détails dont on ne peut se faire qu'une faible idée sans les avoir lues. Il la remonta sur un parcours de 25 lieues, et il ne vit aucune ville, ni village, ni apparence qui en ait jamais eu. Peut-il apercevoir, tout au plus, le long de ses rives, une ou deux cabanes inhabitées, de construction siroquoise. Le pays qu'elle arrose parut agréable à l'œil de notre explorateur. Il était boisé de chênes plantés comme à loisir. Champlain eut ici une entrevue avec le chef Bessabès et avec un autre du nom de Cabahis. Tous deux étaient escortés d'une soixantaine de sauvages. C'était la première fois, disait-il, qu'il voyait des chrétiens. Champlain leur fit annoncer par son interprète qu'il était envoyé auprès d'eux par M. Demont pour leur assurer son amitié et les mettre d'accord avec leurs ennemis, les Siroquois et les Canadiens. Il ajouta qu'il désirait habiter près d'eux afin de leur montrer la culture de la terre et les tirer de l'existence misérable qu'ils menaient. Ce petit discours, plein de bienveillance et de belles promesses, parut les satisfaire. Champlain leur fit cadeau de haches, patenôtres, bonnets, couteaux et autres jolies butées. Puis, chacun se retira, les sauvages allant de leur côté, et Champlain retourna à sa barque, très heureux d'avoir connu quelques représentants de cette tribu. Champlain quitta la rivière Pentagouette le 17 septembre pour continuer ses explorations vers le sud. Deux jours plus tard, comme il passa près de l'embouchure d'une petite rivière, il aperçut Cabahis, qui prit passage avec eux, et les accompagna jusqu'à 12 lieues plus loin. Chemin faisant, Champlain voulut apprendre de lui l'endroit exact d'où la rivière Norembègue tirait sa source. Passé, dit-il, le saut de la rivière, à 20 lieues environ de son embouchure, on entre dans un lac par où les sauvages vont à la rivière Sainte-Croix. Après avoir fait portage, ils entrent bientôt dans la rivière des Etchemins. Une autre rivière aboutit au lac. Après l'avoir parcouru pendant quelques jours, ils traversent un autre lac. Arrivé à son extrémité, ils entrent dans une autre rivière qui vient se décharger à une lieue de Québec. C'est la rivière Chaudière que les aborigènes suivaient pour se rendre à Québec. Les montagnes de Bédabédec furent en vue le 20 du même mois, et après avoir rangé la côte sur un parcours de 10 à 12 lieues, Champlain renonça à son projet de se rendre jusqu'à la rivière Kennebecky. Les sauvages l'avaient abandonné. Les vivres se faisaient rares, et le mauvais temps, qui durait depuis plusieurs jours, le forçait à tout instant de relâcher aux îles, très nombreuses dans ces parages. Ce fut le 23 septembre qu'il rebroussa chemin, et 9 jours plus tard, il abordait à l'île de Sainte-Croix, convaincu qu'il n'y avait aucun endroit, le long de la côte de Norembègue, qui offrait plus d'avantages à une habitation que le poste choisi par M. Demont. La première neige tomba le 6 du mois d'octobre. Ce fait n'est pas sans précédent dans les annales acadiennes, mais il est très rare aujourd'hui que l'on soit témoin d'un hiver aussi prématuré. On serait tenté de croire, par ce que dit Champlain, que l'hiver commença à la même date. Mais c'est peu probable, car la neige d'octobre ne reste pas ordinairement, mais qu'on éprouve des froids assez vifs à cette saison. À la fin d'avril suivant, l'île était encore couverte de 3 à 4 pieds de neige. Ce dut être un hiver exceptionnellement rigoureux. Nous avons déjà vu à quelle misère les Français furent réduits pendant leur séjour dans cette île à cause de la disette d'eau. La neige fondue constituait pour eux un danger constant pour l'éclosion de certaines maladies. On ne put s'y soustraire. Le scorbut se déclara bientôt au milieu de la colonie et se composait en tout de 79 personnes. Sur ce nombre, 35 succombèrent et 20 autres touchèrent au seuil de la mort. Les chirurgiens, qui ne connaissaient rien d'un mal aussi étrange, ne surent trouver le bon remède. Eux-mêmes en furent atteints et restèrent, comme les autres, avec une grande gêne de respiration et des douleurs intermittentes. La température du mois de mai devait ramener la santé en même temps que ranimer leur espérance en des jours meilleurs. Après un hiver aussi triste, il n'est pas surprenant de voir M. Demont chercher à planter sa tente dans un endroit plus commode, jouissant d'une température plus supportable. Moreau dit que Sainte-Croix n'avait jamais été pour Demont qu'une résidence d'hivernage. Nous croyons, au contraire, que son plan bien arrêté était de s'y fixer en permanence à cause des grandes dépenses qui y furent faites. Après tout, On aurait bien pu se dispenser de construire une vingtaine d'édifices, quelques-uns à deux étages, pour un hiver seulement. L'escarbot, dont le témoignage n'est pas suspect sur ses tentatives d'établissement en Acadie, au moins en ce qui regarde la partie matérielle, fait la leçon bonne à M. Demont. Quand on va dans un pays, dit-il en substance, pour posséder la terre, on ne s'arrête pas dans les îles pour s'y emprisonner. Si encore cette île eût été traversée par des rivières ou même des ruisseaux, si le sol eût été propice à l'agriculture, tu t'étais à demi-mal. Mais il n'y avait pas même les éléments essentiels à la vie, de l'eau douce. Tous les regards étaient donc tournés vers la France quand, au milieu de mai, les vaisseaux attendus depuis un mois n'apparurent pas encore. M. Demont résolut alors de faire appareiller deux barques suffisamment grandes pour transporter ses compagnons jusqu'à Gaspé, rendez-vous général de la flotte française. Les préparatifs de départ n'étaient pas encore terminés lorsque Pontgravé vint aborder un jour, vers les 11 heures du soir, à l'île de Sainte-Croix. Son vaisseau, qu'il avait mis à l'abri dans un lieu sûr, à quelque distance, arriva le lendemain et signala son arrivée par une canonnade en règle et au bruit des trompettes. 40 hommes formaient l'équipage. Un autre navire, chargé de vivres et de munitions, était parti de Saint-Malo et ne tarderait pas à apparaître. Cette bonne nouvelle, qu'apportait Pontgravé, causa un peu de joie dans la colonie en détresse. La résolution fut bientôt prise de ne pas retourner en France, mais il fallait nécessairement trouver un lieu plus favorable à un établissement. M. Demont ne démordait pas encore de son idée première, de fortifier sous un climat chaud dans le voisinage de la Floride. L'expédition de Champlain n'ayant pas rapporté des résultats satisfaisants, il voulut entreprendre d'explorer lui-même la côte américaine, au moins jusqu'au pays des Armouchiquois. Toute une caravane prit part à ce voyage dangereux. Champlain fut chargé du pilotage des barques, lesquelles portaient quelques gentilshommes, 20 matelots, un sauvage du nom de Panonias, qui devait agir comme guide, et sa femme qui, étant alliée à la nation armouchiquoise, pouvait servir à établir l'amitié entre les Français et les sauvages de la côte. Le départ se fit le 18 du mois de juin. 12 jours furent consacrés à l'exploration des îles, des baies et des pointes de terre jusqu'à l'embouchure de la rivière Pantagouet. Le vendredi, premier jour de juillet, l'on parcourut les 25 lieues qui séparent la pointe de Bédabédec de la rivière Kennebecky. L'on s'arrêta à 300 pas environ de son entrée. Champlain mit une chaloupe pour remonter le cours d'une rivière voisine, Chipscott, et pour nouer connaissance avec les sauvages de l'endroit. Montumermer, leur chef, vint en canot devant d'eux et leur fit force protestation d'amitié. M. Demont leur présenta des galettes et des pois dont ils furent contents. Le lendemain, les indigènes guidèrent la chaloupe de Champlain par un autre chemin que celui par où elle était venue et la conduisirent à une chute d'eau qu'on eut toutes les peines du monde à franchir et au-dessous de laquelle on vit un lac long de 3 à 4 lieues dans lequel descendaient le Kennebecky et une autre rivière par où devaient venir Marchim et Sassinou, deux capitaines sauvages que Montumermer s'était chargé de faire avertir pour y rencontrer Champlain. Celui-ci, ne les voyant point, rebroussa chemin pour rejoindre ses compagnons. Le 8 du même mois, l'on continua de naviguer vers le sud, passant par une baie remplie d'îles, d'où l'on aperçut à l'ouest de hautes montagnes, demeure d'un capitaine nommé Aneda. Je me persuadai par ce nom, remarque Champlain, que c'était un de sa race qui avait trouvé l'herbe appelée Aneda. Jacques Cartier a dit avoir tant de puissance contre la maladie appelée scorbut, qui tourmenta ses gens aussi bien que les nôtres lorsqu'ils hivernèrent en Canada. Les sauvages ne connaissent point cette herbe, ni ne savent que c'est, bien que le dit sauvage en porte le nom. Cette supposition de Champlain n'a pas sa raison d'être, car si ce capitaine sauvage eût été de même origine que les aborigènes de Stadacone, qui enseignèrent à Jacques Cartier l'usage de l'Aneda, il aurait compris la signification de ce mot et il l'aurait apprise aux Français. Sachant qu'Aneda veut dire épinette, Champlain aurait pu s'en servir plus tard pour soigner les scorbutiques de sa nation. Or, rien ne prouve qu'il ait connu ce spécimen. On se rendit en outre à la rivière Chouacouette, où l'on reçut la visite d'une quantité de sauvages, différents des êtres-humains sous plusieurs rapports. Ils avaient la tête presque entièrement rasée, sauf le sommet, où ils laissaient croître leurs cheveux, qu'ils entrelaçaient de diverses façons par derrière avec des plumes. Ils se peignaient le visage de noir et de rouge, comme les autres sauvages. Ils étaient gens fort dispos et bien construits. Ils avaient pour armes des pics, des massues, des arcs et des flèches, au bout desquels ils piquaient la queue d'un poisson appelé Signoc ou Signoc. Ils labouraient et cultivaient la terre, ce que Champlain n'avait pas encore vu faire, et, au lieu de charrue, ils avaient un instrument de bois fort dur, fait en manière de bêche. M. Demont et Champlain descendirent à terre pour examiner leur labourage sur le bord de la rivière Chouacouette, leur manière d'ensemencer la terre et les produits de leur culture, consistant surtout en blé d'Inde, citrouille et tabac. Ils jugèrent, d'après la nature de leur récolte, que l'air y était plus tempéré qu'à Sainte-Croix. Cependant, Champlain crut que le froid y devait être assez vif en hiver. On continua à ranger la côte en partant de la rivière Chouacouette, mais à peine eut-on fait 6 ou 7 lieues que le vent devint contraire et força à jeter l'ancre. On débarqua sur une rive agréable où l'on aperçut 2 sauvages qui furent pris d'abord pour des outardes. Tous 2 se sauvèrent dans les bois dès qu'ils aperçurent les Français. On retourna ensuite à 2 ou 3 lieues vers Chouacouette jusqu'à un cap nommé le Port aux îles à cause des îles qui en étaient voisines par la hauteur de 48 degrés 25 minutes de latitude. Après avoir doublé ce cap, on atteignit bientôt un autre cap qui fut appelé Cap aux îles, près duquel ils virent plusieurs sauvages qui vinrent à eux dans un canot, puis, changeant tout à coup de résolution, gagnèrent le rivage pour s'y livrer à leur danse accoutumée. Champlain les suivit jusqu'à terre et donna à chacun d'eux un couteau et un biscuit. Les sauvages dirent à Champlain que tout ce pays-là était cultivé et habité par 6 peuplades distinctes. Poursuivant la route, on vint jeter l'ancre près d'un petit îlot où l'on passa 2 heures pour avoir des informations sur le compte des indigènes de la côte. Leurs canots n'étaient point fabriqués en écorce de bouleau, comme ceux des Canadiens, des Iroquois et des êtres-chemins, mais d'une seule pièce d'arbre creusée avec du feu ou des cailloux rougis à la flamme, dépouillés de son écorce et arrondis par-dessous. Il fallait beaucoup d'adresse pour les manœuvrer. Le lendemain, 17 juillet, on fut mouillé au cap Saint-Louis. Au moment d'y arriver, la barque s'échoua sur un rocher, mettant tout l'équipage en péril. « Si nous n'y eussions promptement remédié, écrit Champlain, elle eut bouleversé dans la mer et perdait alentour où il y avait 5 à 6 brasses d'eau. Mais Dieu nous préserva. » 15 ou 16 canots étaient rangés à sec le long du rivage. Ona Beta, capitaine, attiré par des présents, vint dans la barque et se retira bien repu et chargé de cadeaux. Ces Indiens se livraient aussi à l'agriculture, car Champlain aperçut des champs de blé d'Inde, au milieu desquels un grand nombre de maisonnettes. Une petite rivière, appelée Ga, en l'honneur de M. Demont, se décharge dans la baie avoisinant le cap Saint-Louis. Champlain crut que cette rivière se rendait jusqu'au pays des Iroquois. Le 18 juillet, on doubla le cap Saint-Louis par les 24 degrés et 3 quarts de latitude, puis, longeant la côte, on s'arrêta à divers endroits cultivés par des Indiens et l'on vint passer la nuit dans une baie appelée le port du cap Saint-Louis. Le lendemain, on aperçut le cap d'une grande baie qui fut nommée Sainte-Suzanne du cap Blanc à 10 lieues du cap Saint-Louis. Le cap Blanc est une pointe de sable qui va en tournoyant vers le sud, quelques 6 lieues. Le 2 du même mois, on mouillait dans un port dangereux situé à 42 degrés environ. C'était le port de Malabar. Sur le rivage, on aperçut des cabanes rondes couvertes de grosses nattes de roseaux et entourées de jardins. Elles appartenaient aux Armouchiquois, habitants de ce pays. On voit quelques relations avec eux. On n'eut pas à s'en féliciter car ces Indiens étaient voleurs et traîtres. Depuis le cap aux îles, les sauvages que l'on vit ne portaient que rarement des fourrures. Ils allaient d'ordinaire presque nus, et quand, par hasard, ils se couvraient, était avec des robes faites de tissus d'herbe et de chanvre. Il se peignait le visage en rouge, en noir et en jaune. Il n'avait naturellement presque pas de barbe et s'arrachait le peu qu'ils en pouvaient avoir à mesure qu'il croissait. Le voyage n'avait pas encore été marqué par aucun incident bien remarquable. Nos explorateurs avaient eu des rencontres fréquentes avec les diverses peuplades sauvages échelonnées le long de la côte américaine et, dans toutes les occasions, la paix et la bonne entente n'avaient pas cessé de régner entre eux. Mais cette belle harmonie fut troublée un jour sans qu'il y eût cependant de la faute des Français. 4 ou 5 matelots étaient descendus à terre dans le port de Malabar pour remplir leurs chaudières d'eau douce. Les sauvages, qui épiaient leurs allées et venues, accoururent au-devant d'eux et s'emparèrent de force de l'une des chaudières et s'enfuirent précipitamment. Alarmés de voir les matelots revenir à la barque en criant de tirer sur les voleurs, d'autres sauvages, qui s'y trouvaient dans le même moment, se jetèrent à la mer. Ce que voyant leurs compagnons du rivage, ils retournèrent droit vers le matelot à qui ils avaient enlevé la chaudière et lui enfoncèrent plusieurs coups de couteau dans la poitrine. L'on commença de la barque une fusillade contre ce mécréant qui fuyait aussi vite qu'un cheval à la course. Le mousquet de Champlain lui creva dans les mains et il se crut mort. Mais, heureusement, il n'en fut rien. Un sauvage qui n'avait pu s'échapper des mains des Français et que l'on avait tenu garrotté fut bientôt relâché, surtout lorsqu'on apprit que les assassins des Français étaient étrangers à la tribu cabanée dans le port. Ce fut le seul incident malheureux du voyage. La victime fut, au dire de l'escarbot, un charpentier de Saint-Malo. Ne trouvant pas de lieu satisfaisant à son gré pour y asseoir solidement sa petite colonie, M. Demont, après avoir, à travers 1000 et 1 difficultés, exploré plus de 400 lieues de côte, résolut de retourner à l'île de Sainte-Croix. Durant les 5 semaines qui s'étaient écoulées depuis le commencement de cette expédition, du 18 juin au 25 juillet, il n'avait pu s'élever au-delà de 3 degrés de latitude. Mais le temps qu'il avait consacré à la reconnaissance de ces contrées nouvelles n'était pas perdu. On avait contracté avec les aborigènes des liens d'amitié dont on pourrait tirer plus tard un bon parti. M. Demont s'en revenait aussi avec la conviction qu'il était aussi facile de créer un établissement stable sur quelqu'une des rives de l'Acadie. Quant à Champlain, son parti était pris depuis longtemps déjà. Il ne voyait d'avenir certain pour l'extension du nom français que dans la vallée du Saint-Laurent. Nous constatons, au cours du récit de ses courses aventureuses vers les contrées méridionales, qu'il songeait toujours à Québec. Plusieurs rivières qu'il indique, quelquefois erronément, devaient servir de moyen de transport aux sauvages errant entre les régions arrosées par les rivières et le vieux promontoire de Stadacona. Le retour à l'île de Sainte-Croix se fit en 9 jours. Shuaquette, Marchim, chef indien que Champlain n'avait pu voir au lac Kinibiki, vint à eux. Ce capitaine avait la réputation d'être le plus vaillant entre tous les siens. Sa gravité et sa physionomie prévenaient en sa faveur. Il y eut échange de présents. Marchim leur donna un jeune échemin prêt à la guerre. Sassinou ne se montra pas, bien qu'il fût attendu. À sa place, apparut un autre capitaine appelé Anasou, qui leur apprit que des pêcheurs européens avaient tué 5 sauvages et que leur vaisseau était à 10 lieues du port, tout près d'une île. À leur arrivée à Sainte-Croix, le 3 août, nos explorateurs aperçurent le navire du capitaine des Antons, récemment arrivé de France, avec un chargement de provisions et d'autres secours pour les hivernants. La situation allait donc s'améliorer. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 5 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.